Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche! Agneau! Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PVM et je suis femme, mais quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Ah! Toujours dans l'ordure rose! C'était très bon, ça! Toujours dans l'ordure rose, moi c'est Charlie Morin et enfin j'ai baptisé ma robe à fromage, elle s'appelle la robe Fabian et à chaque fois que je la calisse dans la vaisselle, je lui chante « Tu t'en vas et mon cœur s'envole en éclats. » C'est ça qui se passe dans ma cuisine. Oh my God, la robe Fabian. Puis on n'est pas tout seul. T'as amené la robe? Ouais, non, la robe est dans la cuisine, c'est correct. Mais c'est rien de moins qu'un crossover épisode. Les giggles que vous entendez, c'est la gang de tout ou pantoute! Agneau! Allô! Donc, on est avec la gang de tout ou pantoute, le podcast féministe interrégional qui aborde des enjeux culturels, politiques et sociaux. Allô, Roxane Dallier, Alexandra Turgeon et Laurie. C'est quoi déjà ton nom de famille? Je me suis fait dire par le DM Instagram. Perron, mais on peut aussi m'appeler Laurie Sandy Perron. Academy. Sandy Academy! Comment ça va la gang? Allô? Très mal, très mal. Ben là, ça allait mal. Oui, non, parfait. Tout le monde vit la déchéance en crescendo. On oui, est à bout. Oui, oui. Ben... il n'y a pas juste le podcast qui est crossover, la dépression aussi. Mais ça, moi, je voulais juste dire qu'ils vendent dans mon salon puis qu'il y a de la neige qui s'accumule parce que je t'apprête à poser des fenêtres, fait que ça va mal. Je voulais le dire à la grosse radio, ça va mal, ça va mal. Je suis avec vous autres, fait que là, je suis mêlée. Fait que c'est comme notre premier podcast extérieur. C'est ça. Mais pour vrai, on est interrégional. Vous nous parlez de où, la gang? Là? Moi, je suis à Villeray. Je suis la moins interrégionale de la gang à date. C'est une région. Pour vrai, Jess, il sort jamais de Schlag. C'est interrégional pour elle. Là. Pour moi, ouais. Alexandra, toi, t'es où? Moi, je suis au Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles. Wow. Au Bas-Saint-Laurent, probablement en colocation avec 28 personnes qui ont fait P15 à l'UQAM. Ah! Oh my God! Sans l'autre bord de la rue. Ah! I'm dead! Max, t'es où, toi? Moi, je suis en Haute-Gaspésie. OK. Ouais, ça, c'est le mal bord de la Gaspésie. C'est le bout où il fait tout le temps noir, puis t'es pogné entre la montagne puis le fleuve. Fait que c'est comme en 2-2. Ah! Ouais. Damn. Mm. Mais c'est donc, beau. J'imagine qu'après cette intervention, il y a une gang de monde qui va se décrocher en Haute-Gaspésie. Ça a l'air... Ben, j'espère, parce que j'ai des fenêtres à poser, là. Fait que je les attends. Ah, bon. Voilà. Fait qu'on arrive. On s'en vient. Hey, aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, on vous parle des deux solitudes. Et pour une fois, ce n'est pas le Québec et l'Ontario, mais bien les milieux féministes et les milieux queer. On se demande si les queer peuvent vivre sans les féministes et vice-versa. On s'interroge sur les chicanes intestines croustillantes entre les deux camps. Pour finalement déterminer s'il faut se lâcher ou ben donc se marier. Fait que on s'en va à Le Guillion, les mettre au pied du mur en leur demandant de choisir un camp entre queer et féministe en non. Sirotant notre café et on vous revient overcaféiné. Eh bien, comme toute petite coop sujette à des guerres intestines, Le Guillion a implosé d'elle-même quand on leur a imposé la question fatidique. Donc, je vous invite à vous jeter à leur vente de liquidation au 1426 rue Baudry. Tout doit partir! Alors, on relie souvent les mouvements queer à la troisième vague du féminisme, plus postmoderne, où on réfléchit moins les femmes comme un tout homogène, mais bien comme une population traversée par d'autres rapports de pouvoir. Les études queer ont par contre beaucoup plus éclaté sur la question du genre et de l'identité. Elles s'intéressent beaucoup plus à déconstruire la catégorie femme, fait qu'on imagine déjà toutes les chicanes qui s'en suivent. Mais là, la question à 1000$, tant qu'à tracer deux camps qui se chicanent de temps en temps, pour ne pas dire avec parcimonie. Tout le temps, avec parcimonie. Pour nous, est-ce que queer et féministe peuvent être mutuellement exclusifs ou est-ce qu'on est pogné pour s'obstiner jusqu'à la fin des temps? C'est la question générale qu'on se pose, mais avant de vous donner votre verdict final, on va creuser un petit peu plus loin dans le sujet. Alors, dans toute la foulée des tensions entre queer et féministes, on se demande, est-ce que les féminismes qui ne réfléchissent pas la queerness sont actually féministes? OK. On a une réponse courte qui est non, mais on a une réponse longue aussi. en gros, on trouve ça vraiment plate que le féminisme ça soit réduit souvent à la lutte pour les droits des femmes ou la lutte pour des meilleures conditions pour les femmes, contre les violences faites aux femmes, etc. Parce que pour nous, le féminisme, c'est vraiment plus que ça. Dans le fond, ça inclut ça. Mais c'est surtout une lutte contre les violences sexistes puis les violences basées sur le genre dans son ensemble. Fait que oui, ça parle des femmes cis, mais ça parle de toutes les femmes aussi. Puis ça parle à toutes les personnes qui vivent des oppressions liées à leur genre, puis toutes les personnes qui vivent des oppressions liées à leur sexualité aussi. Parce que toutes ces personnes-là vivent des violences sexistes, donc selon nous, en tout cas selon notre féministe, doivent être inclus dans les luttes féministes. L'homophobie, c'est une violence sexiste. La transphobie, c'est une violence sexiste. La biphobie, le cissexisme, la masculinité toxique, c'est une violence sexiste. Donc, les hommes cis, straight, peuvent être inclus dans la lutte féministe, même si... ça leur tente pas tout le temps nécessairement, mais ils sont... Ça vous tente pas. C'est ça. Ils sont victimes de sexisme aussi. Ça nous tente pas tant, mais... Mais non, mais on va leur dire qu'on fait ça en non-mixité, ils vont se pitcher, là. C'est ça. C'est ça. Là, ils vont venir. Fait que... non, mais dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des groupes féministes... Tu sais, chacun définit un peu son féminisme, mais pour nous, c'est pas du féminisme si on n'inclut pas toutes les personnes qui sont oppressées par le sexisme, dans le fond. C'est ça, que ce soit par leur sexualité, par leur genre, par leur expression de genre, par ce qui, par la façon dont ils se présentent aussi, là, tu sais, c'est pas nécessairement une personne qui va se définir comme une personne trans ou non binaire si son apparence ou la façon dont elle vit sa vie va un peu de façon contraire ou juste pas dans la même lignée que les normes sociales féminin, masculin, vraiment binaire, cette personne-là peut être victime de violences sexistes, donc elle doit être incluse dans la lutte, selon nous. Oui. Est-ce qu'on peut être féministe sans réfléchir la queerness? Oui. Est-ce qu'on peut être une féministe d'aujourd'hui sans réfléchir la queerness? Pense pas. Parce que, tu sais, pour le définir un peu, tu sais, les gens vont souvent se demander deuxième vague, troisième vague, qu'est-ce que ça veut dire ça? Féministe de deuxième vague, c'est réfléchir les femmes, les hommes comme une classe sociale. Mais le problème, puis Alexandra l'a bien montré, c'est que c'est pas une classe uniforme, les femmes. C'est trop difficile à mettre tout en gang d'un coup. T'sais, si on dit les femmes sont les égales des hommes, quels hommes? De quels hommes sont-elles les égales, etc., etc.? Fait que je pense que c'est là où il faut garder une petite attention, c'est que c'est fini. Tu sais, avant, on disait les droits de la femme. Quelle femme? On n'a pas retrouvé celle-là. Je sais pas. Cette femme qui semble avoir tous les droits, ma foi, j'ai vraiment hâte de la rencontrer. Je pense que c'est la femme d'or, d'ailleurs. Ah! Parfait. Parfait. On est sur une piste, là. On est sur une piste. La femme d'or a fait dodo? Celle qui... Non, on cherche la femme d'or à grands coups d'amour. C'est ça, ma joke. Yes, parfait. Mon Dieu, hey, Charlie qui a pas get une joke de pop culture, non, puis moi, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est fou le fait que c'est comme d'or a fait dodo. À l'inverse, par contre, est-ce qu'on peut être queer au sens politique d'opposition à la norme hétéro cis sans pour autant se considérer féministe? Ben, moi, je pense que non. Hey, c'est très weird, là. Tout simplement. Je dirais non. Bon, on passe à d'autres choses. C'est que ça sera court. Parce que... Oui, c'est ça. Ça va vraiment pas être très bon. Non, mais comme Alex, ça disait, tu sais, chacun définit son féminisme, mais comme oui, mais non aussi. Dans le sens que comme tu peux bien définir ton féministe comme tu veux, mais son féministe, il est transphobe, ben comme, laisse faire, tu sais, comme, va te coucher, on a fini avec toi, t'es juste pas féministe. C'est comme... Non, mais, là, c'est le cas de dire la femme d'or. Oui, là. C'est ça. La d'or, là. La d'or D-O-R-T, là. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis moi, de mon expérience personnelle aussi, comme en tant que personne non-binaire, il a fallu que je passe par une expérience féministe, par comprendre c'est quoi que ça veut dire être socialisée femme, pour aussi, après, un peu comme dépasser cette idée-là, tu sais, parce que c'est bien dur aussi de comme d'avoir des options quand on sait pas c'est quoi. Tu sais, tu peux pas choisir quelque chose au resto si tu sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le menu, là, genre, là. C'est un peu comme l'idée de ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment en prenant conscience des différences qui sont impliqués dans comme la façon d'être socialisé en tant qu'homme ou en tant que femme, parce que malheureusement il y a comme pas mal lien que ces deux options là dans la socialisation des gens de mon âge là, que j'ai presque 30 ans. Fait que c'est en comprenant que comme en se battant contre le sexisme, comme le dit Alex, tu sais, l'homophobie dans le fond là, c'est sexiste. Fait que c'est pas indissociable, le féminisme puis le queerness là, ça vient ensemble, puis prends le package ou prends les pas, tu sais. Moi, je serais capable d'identifier des espèces de manières où on est capable de twist, genre des politiques queer pour comme rendre ça comme pas tellement féministe ou slightly sexiste, tu sais. Mais ça, c'est genre some faggot fuckery, là, on s'entend. Puis je pense que ça vient nécessairement avec quelque chose de paradoxal, genre ça n'a pas rapport. Ouais. Tu sais, il n'y a pas une manière correcte d'être comme queer sans être féministe, tu sais. Mais mettons que je pense à comme des hommes gays cis qui vont genre s'habiller en godaille puis qui vont live for it, mais qui vont juger des femmes qui font pareil, surtout genre des femmes trans ou des personnes non binaires. Ça, je suis comme, this is actual trash. Genre, si c'est juste comme edgy puis cool quand c'est toi qui le fais parce que tu peux montrer ton comme muscular, genre socially conform body, mais que quand c'est des gens qui le font pas for show off, genre là, ça, tu vas pas les calculer dans un espace où tu vas comme pas trouver ça aussi nice. Je trouve que tu sais, ça, c'est quelque part où on hit the mark, où c'est comme, ok, ben tu sais, à qui c'est accessible, puis pour qui c'est célébré d'être femme dans les espaces, puis je trouve que c'est une manière d'être comme masculin slash anti-féministe, même si au final, you're turning up a look. Genre, c'est vraiment weird. Des fois, je suis comme, damn, mais gay men are a lot, là. Mais si t'es en train de faire ça, puis que t'es, tu sais, que t'es en train d'être misogyne dans ta façon d'être gay, t'es-tu queer, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est quoi être queer finalement? Si ton queerness passe pas par ton féminisme, est-ce que c'est du queerness ou est-ce que, t'es yang gay, mais t'es misogyne et tout. Fait que, tu sais, comme, si t'es pas en train de... Tu sais, pour moi, le féminisme, c'est réfléchir au nombre de genres, à ce qui est t'sais, à ce que ça impose, puis à ce que ça implique d'être socialisé comme homme ou comme femme. Mais après, être queer, ben, c'est quoi que ça... Tu sais, c'est quoi que ça veut dire? Si tu déconstruis pas la binarité des gens, puis que tu te libères pas un peu de ça, puis que tu reproduis un peu les mêmes... Tu sais, t'es-tu vraiment queer? Je sais pas. Je travaille pas pour la police des mots, mais... Alternatively, je pense que quand même, il y a quelque chose de queer dans le fait de faire des trucs qui sont gender bending. C'est juste qu'il y a des gens pour qui c'est comme plus facile, puis qui vont plus avoir de crédit pour ça, puis que quand il y a du monde qui le font comme au quotidien, puis pas for show, puis que ces gens-là sont comme pas calculés, je trouve qu'il y a comme un double standard, puis une forme de comme violence anti-femme ou genre qui se passe, tu sais. Mais pour revenir à notre question à 1000$, parce que là, on est rendu 2000$ dans le trou. on peut pas afford ces questions-là. Non, c'est là. Ça, là, on vient de flammer notre budget. C'est ça, les podcasts. Si on n'est pas capable de vivre les uns et une sans les autres, comment ça qu'on s'obstine autant entre féministes et queer callistes? Ben, une des callistes de bonne raison, c'est à cause des TERF, là. Moi, je pense, là. Ça, je dis rien, là, mais je trouve qu'ils crissent la marde souvent. Sérieux, tu sais, si t'es féministe, transphobe, ben, c'est ça, là, on l'a dit, t'es la femme qui dort, tu sais, comme... Puis c'est ça, je pense que, comme, une façon d'arrêter de s'ostiner... Mettons, je sors mon drapeau blanc, je décide on arrête de s'ostiner, mais ça serait aussi de, comme, je sais pas, de se rappeler que on a un ennemi commun, c'est le patriarcat, puis c'est pas les gars ni les pénis qui, tu sais, qui nous oppressent, là, c'est pas ça. C'est pas contre ça qu'on se bat, mais... Moi, je trouve qu'il y a une animosité que je sens envers les queers de la part des féministes. C'est le fait que la queerness, c'est cool puis trendy. Puis qu'ils vont beaucoup plus le discréditer comme un lifestyle plutôt que comme quelque chose de fondamentalement politique, tu sais. Puis je comprends que ça fait chier quand t'es féministe depuis longtemps, puis que c'est le féminisme est vraiment plus associé aux casseux de party versus les queers qui sont comme fun and hip and cool, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je comprends que, genre, s'il y a... On va recevoir des emails. Non, mais c'est vrai que... Tu sais, Feminist Killjoy, puis genre, tu sais, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif, puis que c'est vrai que ça passe moins bien publiquement, genre, dans le truc grand public, d'être féministe, que c'est comme, bon, elle va nous dire que je suis pis ça, tandis que des queers, tu sais, ça passe mieux d'une certaine manière, tu sais. Ah, je sais pas. Moi, j'ai tellement l'impression que c'est pire dans l'espace public d'être queer que d'être féministe, puis qu'il y a... En ce moment, excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Ouais, probablement. Puis il y a comme une espèce de mouvement en ce moment qu'il y a bien du monde qui se déclare féministe, des personnes quand même, justement, là, des femmes cis straight qui se déclarent féministes puis qui sont vraiment comme vénérées ou genre invitées partout pour ça, puis qui puis des personnes queer, il y en a du temps que ça. Tu sais, mettons, dans l'espace public dominant, là, je sais pas. Non. Mais c'est intéressant. Mais oui, c'est ça qu'on... Je ne veux pas entendre le nom de Jay Dutente dans l'épisode. Ça sent bien! Ça sent bien, Jess! Ça sent bien! Laurie, elle se peut plus, là! Laurie, je l'avoue! Jay Dutente, j'écris ton nom! mais je trouve ça quand même... Moi, je maintiens quand même mon point de des gens comme Jay Dutente ou même genre Cœur de Pirate ou genre, tu sais, je trouve que ça vient avec un edge, tu sais. Puis là, je comprends que le féminisme aussi, on l'a comme plus package pour des médias de masse puis pour quelque chose, une idée qui est cool. Mais, bah, tu sais, comme ce mot-là a été clock plus tôt que le terme queer. puis a eu le dos large pour bien des affaires pendant vraiment longtemps, tandis que je trouve que c'est vrai que queer, il y a eu un accès à une espèce de truc esthétique cool and fun ou de edge plus rapidement, ou de capital social, en fait, de comme, c'est cool. Ce qui veut pas dire que, genre, parce qu'au final, c'est de la merde, parce que je trouve ça absolument contradictoire qu'un mouvement qui est né de pratiques militantes plutôt que du haut d'une tour d'ivoire académique se fasse accuser d'être un lifestyle de poser, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent ça pour du gain personnel ou du marketing, mais, tu sais, sorry de mettre nos théories en action dans la pratique, puis de vivre dans la pratique, mais nous, on n'a pas de gars cis hétéro pour nous empêcher de faire ce qu'on veut, fait que ouais, on est badass as fuck, genre... Puis, ça ramène beaucoup aussi à une opposition, genre, naturelle versus artificielle, qui est souvent, genre, de l'hétérosexisme déguisé, tu sais. Le fait que les hétérosexistes qui vivent, c'est nécessairement plus authentique et vrai, alors que les personnes queer et trans, c'est nécessairement faux, du fla-fla pour chercher de l'attention, c'est twisted, c'est pas valide, tu sais. Fait que je trouve qu'on joue beaucoup dans ce registre-là, genre. Ouais. Moi, je sors un peu du plan de conversation parce que je me suis comme posé la question pendant qu'on en parlait, puis ça m'intrigue. Tu sais, on se demande un peu pourquoi il y a tellement de tension entre féminisme et queerness. Je pense qu'une partie de la réponse serait à cause des cis gay white. Ouais. Parce que, déjà, on est pendu... moi, je suis rendu non-binaire, là, mais je m'identifie quand même encore un peu à cette communauté-là parce que j'agis Aziz. Mais je me demandais, tu sais, du côté gay, on s'appelle girl, bitch. Ce qui n'est pas très bien vu, normalement, en termes de féminisme de deuxième vague, à tout le moins. Je sais que ça a déjà causé des tensions d'une communauté à l'autre. Je me demandais, je veux faire un petit tour de table de nos invités. Là, je commencerai avec Laurie. C'est une source de tension, ça, le fait qu'on utilise tellement la féminité à notre compte pour des raisons qui sont vraiment différentes? Moi, ça me crée pas énormément de tension, personnellement, mais je pense que les tensions, est-ce qu'ils se vivent vraiment avec le milieu féministe ou ils se vivent aussi avec les communautés noires qui ont aussi beaucoup introduit ce langage-là? Oui. C'est là que je sais pas, je pense qu'il y a vraiment comme une intersection qui est un peu plus large que ta question. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué dans mes cercles féministes non plus. Là. Un espèce de sentiment de perte de terrain, genre, à cause de ce langage-là. Là. J'ai l'impression que je sais pas. Mais je pense que nos féminismes, ils sont pas particulièrement des féministes. On n'est pas particulièrement des féministes cis-hétéros non plus. Là, fait que c'est peut-être dans notre environnement. Hey, on connaît pas ça, le féminisme, finalement, nous autres. C'est pas semblant, là. On les connaît pas, ce monde-là. Famille who? Who is she? C'est correct, on va appeler Judith Lucier, elle va nous parler des fruits-là pendant 2 heures, c'est beau. Puis les experts. Fine. Hey, c'est un esti de bon segway, ça! Sur ça, on s'en va respirer dans la face du monde en CHSLD parce qu'on a plus de patience, on a trop hâte à la troisième vague, puis on vous revient overcaféiné. Merci Judith de nous faire croire que les fruits-là est une icône féministe. Hey, hein? Elle travaille fort. Mais non, mais sacrement, là, au moins, Mitsu, au moins. Oh my goodness. Moi pas. Mitsu, I would have stand, là. I would have fucking stand. Anyways. On l'a eu à 2 fifs le matin, pas les offres. Comme de quoi tu parles? C'était un épisode qui s'appelait Le Club des Sexes. En tout cas, la deuxième vague est coriace et elle tient à rester. Fait que comme pour la troisième vague féministe, la troisième vague de COVID risque bel et bien de commencer bientôt, mais le monde va se réveiller 30 ans plus tard pour réaliser qu'elle est finalement là. On peut bien casser du sucre sur le dos des féministes qui sont centrées sur leur cisness et leur straightness, mais quand on pointe du doigt, il reste quand même 3 doigts pointés vers soi. Ouh. C'est sage, hein? Ça, c'est de la sagesse. Ça, là. Puis il y a le pouce qui chill là tout seul. Ben, c'est ça. Quelque chose d'intéressant à adresser, c'est comment la misogynie arrive quand même à se faufiler dans les milieux queer et comment ça opère. Ça, c'est les 3 doigts qui sont pointés vers nous. C'était ça la métaphore, en fait. Oui. Bon, on l'a déjà un petit peu abordé. Hein, l'exemple le plus simple et le plus flagrant, je pense que c'est la misogynie des hommes queer. Va-t-on s'en sauver un jour? Est-ce que les hommes, peu importe leur nature, sont miso-whatever, genre? Ben, je pense qu'il faut répondre que non. Parce qu'il y a plein d'hommes qui ont fait l'expérience ou qui font l'expérience d'une façon ou d'une autre de la misogynie. Oui. Mais on peut quand même pas dire que c'est pas un point ultra commun entre une aussi grosse partie des hommes, ouais, surtout cis, malheureusement. Ouais. C'est ça, moi aussi, je suis pas un fan de... Tu sais, comme, c'est niaiseux de dire, genre, not all men, mais tu sais, dans les faits, c'est vrai que, je veux dire, il y en a des mieux que d'autres, mais il faut tenir pour acquis que, a priori, ouais, oui, on peut considérer qu'ils sont misogynes, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais la misogynie des hommes queer, moi, je la vois beaucoup, puis c'est comme t'en parlais tantôt aussi, Jess, je la vois beaucoup chez les hommes gays, mettons, puis c'est avec, ouais, des hommes gays, moi, que j'ai grandi, puis que j'ai appris à devenir queer, mettons. Puis ça s'est beaucoup fait sentir pour moi par l'appropriation des lieux physiques. Vous parlez full souvent du village dans vos oui, épisodes, puis tu sais, je suis sortie au village en crise en arrivant à Montréal aussi. Là, j'ai eu bien du fun au cocktail. Je me suis vraiment fait chier au, oh, Unity. Yes. Mais... Honestly, same. C'était pas un twink de 17 ans, tu t'es fait chier au Unity. C'est ça. Mais bon, le point commun, je trouve, entre ces lieux-là puis le Caméléon au Saguenay, je sais pas si vous êtes allé au Caméléon. Oh, j'aurais voulu! Bon. Oh, j'aurais voulu! Non. Pas grand place au Saguenay où j'aurais voulu aller, mais le Caméléon, là, sacrement Jonquière. Ah, oh, là, là. Ah, mais c'est correct, parce que je m'en vais te le dire, le point commun entre le cocktail puis le Caméléon, yes, c'est moi puis ma chum Émilie à la fin de la soirée qui se pogne du McDo pendant que les gays french puis fourrent dans la toilette, parce que... I live. Fait que c'est ça, tu sais, ça me tente de sortir, de dater, de frencher des toilettes, moi aussi, mais c'est pas dans le village que ça se passe, pas non plus d'un bord de Villeray, de Normandin puis d'Alma, mais bon, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a des efforts d'inclusivité qui sont faits, mais même si t'appelles ton event Party Queer, s'il y a juste des hommes blancs gays, on aura, ouais, pas grand fun à chiller là éternellement, ouais, tu sais, ouais, ouais. Pis ça, pour moi, ça vient quand même d'une certaine misogynie, ou du moins, genre, d'une indifférence de l'espace qu'on laisse aux femmes ou aux personnes non-binaires, ou même aux personnes bi, qui vivent, ouais, des struggles quand même similaires aux hommes gay, ouais, malgré tout. Mais moi, je trouve ça intéressant, la relation entre les hommes gays puis les femmes straight, parce que, genre, clairement, les femmes queer, genre, c'est nos sœurs, tu sais. Mais avec les femmes straight, il y a comme un truc de particulièrement intéressant de les deux groupes se considèrent souvent comme des alliés avec des affinités naturelles, même si, dans le fond, ouais, la manière dont ils vivent, genre, le sexisme est absolument différent, tu sais, parce que chez les femmes, c'est juste d'être des femmes dont elles sont coupables, puis chez les hommes gays, c'est d'être des hommes pas assez masculins, tu sais. Mais je trouve que les tapettes sont plus enclins à célébrer une fille avec du caractère qui s'impose, puis les femmes straight sont souvent plus ouvertes à backer des tapettes flamboyantes, mais y a, ouais, ce qui est insidieux, ouais, c'est que tu peux pas tenir pour acquis que toutes les tapettes vont comme célébrer des femmes fortes, puis que toutes les femmes straight vont, genre, célébrer des hommes flamboyants. Fait que, tu sais, il y a comme... some fags get it, some straight women get it, but not all of them, tu sais. Mm-hmm. Puis, il y a quand même des doubles standards qui existent des deux côtés. Genre, est-ce que ta chum de fille peut être aussi slut que toi, ou toi, c'est juste un privilège d'homme d'enjoyer le sexe, tu sais? Est-ce que, mm-hmm, tes amis gays peuvent être aussi fif pis weird qu'ils veulent, ou est-ce qu'il faut qu'ils soient présentables ou respectables devant tes dates pis tes amis de gars straight, tu sais? Fait que, je trouve que c'est juste une relation comme... drôle et traversée par plein de contradictions, mais en même temps belle. C'est ça. On s'attendait pas à la fin. Mais non, mais OK, c'est sûr que... Bon, c'est sûr il vécure même, heureux. C'est sûr qu'elle dit de même à la fin, tu sais, je veux dire, mais il y a un truc où, genre, je trouve que il y a quand même des femmes straight qui comprennent, qui sont pas queer, mais qui comprennent. Tu sais, quand on dit, genre... tu sais, je trouve qu'on souvent, on aime ça délimiter les choses, tu sais. Puis genre, qui, ouais, est queer, qui est pas queer. T'as pas besoin d'être queer pour comprendre la queerness puis pas déranger dans un espace, tu sais. Je trouve qu'il y a un truc de comme, si tu comprends, tu comprends. Si tu comprends pas, tu comprends pas, tu sais. Puis il y a juste un truc, mm-hmm, de comme, il y a du monde qui le cache et du monde qui le cacheront jamais, tu sais. Ouais, mais c'est la question un peu du même niveau de privilège, là, aussi, qui fait un, oui, genre, ouais, de lien avec ces deux classes-là, je pense, mais ouais, c'est drôle. Mais j'allais aussi dire que la misogynie des hommes gays, souvent, elle se ressent par, pas nécessairement la haine de la catégorie femme, mais une genre de... Elle se traduit des fois par la haine des vulves et des vagins, même, ouais, si c'est vraiment, oui, plate, ouais, là. Ouais, ouais, ouais, ouais. Comme ça, son penchant avec les turfs, là, Rock, t'en parlais tantôt, ouais, c'est pas mieux, mais tu sais, l'idée que comme... tu sais, c'est des jokes qui se faisaient encore dans mes cercles d'amis il y a pas si longtemps que ça. Ah, je recule, oui, pas, oui, de 20 ans, là. Anyway, j'avais 10 ans. Mais c'est ça, tu sais, de genre, « Ah, oh, je suis tellement gay que j'haïs les vulves » ou, tu sais, ouais, comme, ouais, que t'es plus Gwyn parce que t'as les pénis. Stars, mm-hmm, gay, là. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut pas se cacher que c'est présent pareil. Puis je pense que ça vaut tout le temps la peine de se rappeler que ça a crissement pas sa place. Ouais. Non. C'est tout. Puis c'est transphobe aussi. Fucking transphobe. Il y a plein d'hommes qui ont des vagins, des personnes non-binaires, des vagins. Exact. C'est le seul problème, en fait. C'est exactement ça, le problème. Sinon, un phénomène plus insidieux, c'est la misogynie intériorisée des queers, qui est beaucoup plus subtile, elle, que la misogynie pas toujours juste intériorisée des hommes gays. On constate que les standards de beauté queer gravitent beaucoup plus autour d'esthétiques masculinisées, puis que les personnes queer avec une orientation de genre plus femme se font invalider et ou invisibiliser. Comment on adresse ces contradictions intracommunautaires-là? La gang! Vous tannez de m'entendre parler ou je peux vous répondre? Explique-nous ça. Mais j'ai pas une explication directe sur l'esthétique nécessairement, mais anyway, vous allez en reparler dans l'autre question parce que j'ai tout vu. Mais... Attends! Elle a hacké notre Google Drive, elle a eu accès à la feuille de route! mais comment tout ce qui est plus femme ou considéré comme de la féminité est invalidé, ça, j'ai bien des affaires à dire là-dessus. Puis en grandissant, tu sais, je pense que j'ai été témoin vraiment souvent de fois où tous les stéréotypes de féminité dans la personnalité de mes amis gays, gars, leur étaient reprochés puis étaient utilisés pour les ridiculiser puis les bully, mettons. Puis aussi des gens super bien intentionnés qui essayaient de les rassurer en disant genre « Oh, mais ils t'attaquent sur tes faiblesses, mais montre-leur que t'es plus fort. » Comme si la présumée féminité, c'était une faiblesse, ce genre d'association-là. Fait que je... Tu sais, après, on s'étonne-tu vraiment que la misogynie continue d'exister chez les queers? Pas tant, parce que je trouve qu'on nous la crisse dans la gueule comme à tous les enfants. Ah Là, t'es-tu prête, Jess? Ouais, je vais te parler de J'ai du temps. Je te coupe même pour t'en parler. Vas-y. Parle-moi de J'ai du temps, parce je vais aller pisser. Pour les autres, pour les autres qui écoutent OD. Non, mais tu sais, comme... Don't get me started. Non, mais juste pour faire du pont sur ce que Laurie a dit, tu sais. Alors qu'au contraire, chez les straight, c'est comme applaudi, c'est quasiment un acte héroïque d'utiliser des codes esthétiques du féminin comme que Jay y fait, tu sais. Tu te fais donner le cover du L Québec, puis du L Québec, du L Québec. L Québec! Puis alors que dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est juste de montrer une masculinité qui est pas toxique, puis que ça, tu sais, comme, hey, c'est cool, mais est-ce qu'on devrait vraiment le célébrer puis en faire des affiches de 8 pieds de gros dans le centre-ville de Montréal parce que sa masculinité est pas toxique? Pour moi, c'est juste la fucking base, tu sais, comme... Ouais. C'est juste ça. Yeah, je vais pas trop surfer là-dessus, on a un épisode qui s'en vient sur le sujet, mais... Listen! Tu sais, sur la question de la misogynie intériorisée, tu sais, ça a été soulevé un peu, mais comme... À moins d'avoir eu des parents vraiment, vraiment, vraiment nice, on a été élevés dans notre genre à signer à la naissance avec les stéréotypes qui vont avec. Puis c'est vraiment pas évident de se débarrasser de ça. Tu sais, j'ai 32 ans, puis je me pose encore des questions de queerness, puis je me débarrasse encore de traits de caractère qui sont, à mon sens, pas les meilleurs pour vivre la partie masculine de ma personne. Même si je suis non-binaire, j'ai quand même un aspect très male-presenting, mais je pense que... Ça vient beaucoup de ça. Il y a un manque d'éducation qui se fait, puis je pense que c'est en train de changer tranquillement, pas vite. Là, Dieu merci, grâce à des héros comme Harry Styles et Jay du Temple. Oh, mon Dieu! Hey, on les remercie. La cause avance. On les remercie parce que nous autres, ça fait des années qu'on fait rien, les queers. T'sais, on est là, on attaque un straight, viennent nous sauver. La chance qu'ils sont là. Ah oui, Jay du Temple, Sisyphe des temps modernes. Mais il y a aussi un truc full insultant, je trouve, que comme, tu sais, les esthétiques super masculinisées, que ce soit genre des personnes queer, gars cis, femmes cis, non-binaires, genre des personnes trans, whatever. Tu sais, quand l'esthétique tend plus vers la masculinité, je trouve que c'est célébré parce que c'est comme edgy ou genre whatever. Puis quand les gens arrivent avec des esthétiques plus femmes puis flyées, là, ça, tu sais, c'est comme si c'était comme for show puis plus désexualisé, tu sais. Puis... C'est ça, il y a juste un truc où, genre, la masculinité en termes d'esthétique est plus célébrée, tu sais, alors que ça crée, genre, une hiérarchie des genres qui répètent exactement comme la société straight, puis je suis juste comme « damn ». Fait que, dans le même ordre d'idée, comment ça, notre perception de l'androgynie est beaucoup plus basée sur des codes de masculinité considérés comme neutres? Et d'être gender-bending, c'est beaucoup plus associé à des référents féminins sur des corps amables assignés... masculin à la naissance ou mâle à la naissance, en tout cas, male. Parce monsieur. Que... Assigné monsieur! Parce que ça, c'est un statement, tu sais. Ben, ça vient d'être abordé. Roxane, elle a vraiment bien fait d'en parler. Tu sais, suffit qu'un gars straight le fasse pour que ce soit donc meilleur que toutes les autres personnes qui l'ont fait. Puis on a eu un cas récemment aussi, là, c'était bien cute, là, tous les jeunes hommes ou à tout le moins les personnes qui peuvent être comme des hommes qui se sont mis des jupes à l'école. personne n'a pas parlé de la courageuse femme pour qui on fait ça, on dirait. Là, ça, hey, ça fait des années que les filles sont comme, on peut-tu en mettre des bretelles spaghetti, calice, puis que personne n'écoute. Puis je pense qu'il y a une double invisibilisation, parce que déjà, tu es une femme, on est dans une société hétéropatriarcale, même si tu es une femme cis, blanche, là, on rit un peu du féminisme blanc, mais tu sais, le sexisme existe encore. Là, c'est time I check, là. Puis... Là... fait que tu sais, déjà, les femmes sont invisibilisées. Après ça, les... Il y a comme un genre de quand les queer amables, c'est-à-dire assignés monsieur à la naissance, quand les queer amables se féminisent, il y a comme une espèce de réflexe dans l'hétéropatriarcat qui est comme « Ah, ben c'est sûr, une tapette en robe, c'est une tapette, c'est normal. » Puis on valorise pas qu'une femme se masculise, disons, par exemple. Tu sais, c'est les lesbiennes, mon Dieu, on peut-tu en parler des lesbiennes qui sont invisibilisées de la communauté, genre « to the fucking ground », là? Mais à la question à Charlie, comment ça, notre perception de l'androgynie est plus basée sur des cas de masculinité, mais parce que la société est fucking misogyne, là, tu sais, c'est ça un peu que tu dis, Jess, comme, juste pour ça, parce qu'on vit dans une société patriarcale misogyne, mais comme... C'est comme le basic standard. Ouais, c'est ça, c'est juste nos critères de base qu'on s'est donné en tant que société. Mais aussi, tu sais, oui, c'est vrai que les lesbiennes... ou en tout cas les personnes qui utilisent plus un style masculin sont pas nécessairement célébrées, mais il y a une espèce de comme double standard aussi dans la communauté queer de comme la neutralité, c'est comme une espèce de masculinité, puis c'est comme pour être une personne non binaire adéquate, je mets des gros guillemets là, faut si t'es une personne assignée femme, faut adopter un esthétique masculin, tu sais, c'est juste des doubles standards les uns par-dessus les autres, ça fait juste Oui, mais c'est vrai que ça vient de la base de la société misogyne, parce que, tu sais, de prime abord, dans la vie, là, tu sais, comme moi, j'avais le goût de vous parler un peu de ma phase « one of the boys », là, que je suis pas la seule à avoir vécu, mais tu sais, comme l'idée de vouloir se détacher des autres filles, avec des hosties de guillemets, genre des réflexions de quand j'avais 15 ans que je suis pas capable de traduire, mais tu sais, comme, le pire, c'est que ces affaires-là, ça marche, tu sais, ça implique de passer par-dessus toutes sortes de principes puis d'accepter des propos vraiment horribles pour être considéré comme « one of the boys », mais ça fait que t'es mieux perçu, puis que t'es plus intégré, puis que t'es plus respecté, tu sais. Je l'ai vécu cette semaine, j'étais allée à Quincarie, OK, avant, je lookais un peu plus femme, le bar sur Rachel, là. Non, à la Quincarie chez Keb, là, sa première avenue à Sainte-Anne-des-Monts. Fuck yes! La première et probablement la dernière la avenue. La seule, là, dans le fond, la seule rue de Sainte-Anne-des-Monts. Non, mais... On demande une commandite à la Quincaillerie, d'ailleurs. Slide in my DM, ça commande. Fuck yes. Non, mais c'est ça, tu sais, avant, dans les dernières années, tu sais, c'est ça, là, je suis une moune de région, puis dans les dernières années, tu sais, je fais des rénovations, tu sais, je fais rien que ça, puis je suis tout le temps rendue à Quincaillerie, puis ben, je me fais jamais prendre au sérieux parce que j'ai l'air d'une fille, tu sais, j'ai l'air d'une fille, puis les filles, ben, ça comprend rien au réno, tu sais, c'est ça que je reçois tout le temps, puis... Là, mettons, comme dans la dernière année, j'embrasse plus comme ma non-binarité, j'expérimente plus avec des esthétiques dits plus masculins, mettons, puis je présente différemment. Aussi, j'ai un fucking masque d'en face parce que Miss Rona. Fait que... Voilà. Puis là, j'arrive, hostie, à Quincari la semaine passée, puis t'as le commis qui me dit « Ouais, chef, que je peux faire pour toi? » Mais je me suis tellement sentie considérée, j'étais tellement one of the boys. Puis là, genre, j'avais comme un feeling de comme... Ah, oh, c'est un peu nice, mais arc, genre, non, non, genre, j'en veux pas de ton privilège masculin, laisse faire, fuck you, tu sais. Fait que, chef de tout le monde. Chef, direct, moi, là. Ça, là. Salut, boss Captain America. Ouais, direct. Alors que d'habitude, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma petite fille, pauvre toi, ma petite fille, tu dois pas savoir visser une vis, ma petite fille, tu sais, quasiment, là. Ma belle, ma pitoune, ma charmante, ma douce. Pourtant, pour les gens qui là, vous le voyez pas, c'est un podcast, mais Roxane, c'est clair qu'elle est non-binaire. On a un septum. Une veste Adidas. C'est un septum des non-binaires. En haut des oreilles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Septum. Attends, je fais tout ce qu'il faut. Ça, c'est clair. Fait que, on s'en va là-dessus se chercher un café en chantant l'hymne national des féministes deuxième vague qui va comme suit. I'm every woman. It's all in me. Everything the one down baby. Do it naturally. OK, donc malheureusement, contrairement à Whitney Houston, les TERFs sont pas encore mortes. Alors, on est revenu. Et là, c'est... je les aime beaucoup, les TERFs, je suis comme plus capable. T'es le seul. Je pense qu'on est un groupe de plus capables de TERF. Ah oui, je pensais à les aimer. Non, mais mon Dieu, non, j'ai pas dit que je les aimais. Là. Wow. Sauf J.K. Rowling, parce qu'on y trouve plein d'excuses, parce qu'elle a marqué notre enfance. Elle, c'est correct, ça a l'air, là, tout le monde a l'air de vouloir l'excuser. Passons. C'est bien de pointer nos propres contradictions, mais quand même, les féministes straight n'en sont pas exemptes non plus. Jasons un petit peu d'hétéro-cissexisme dans les espaces féministes. Est-ce que les féministes hétéro ont une grande capacité à faire des compromis sur leur politique parce qu'elles restent tout de même très proches de leur oppresseur, a.k.a. les gars straight, comparé aux queers qui, nous, pouvons avoir des cercles rapprochés entièrement composés de notre gang? Je vais me permettre de répondre Alex, parce que... Alex, longtemps que t'as pas entendu. Parce que, hein? Mais je vais me permettre de répondre parce que je suis la seule maudite hétéro de la gang. Mais je trouve okay, que... OK, yes, on en a une! Yeah. Je trouve que c'est une question vraiment intéressante, puis ben justement vu que je suis une féministe hétéro, ben ça me travaille beaucoup personnellement. C'est fucké. Oui. Je suis d'accord que c'est fucké, puis j'ai pas personnellement encore trouvé comment être 100% bien dans cette situation-là. Parce que effectivement comparativement au cercle mm-hmm. queer, tu sais dans les cercles féministes, peu importe mettons si t'es les cercles féministes straight, là, mettons, peu importe si t'es carrément en couple ou en situation de dating avec des hommes cis straight, il y a comme plus de chances que t'aies des hommes cis straight dans ton réseau, là, comme c'est mieux. Ça arrive plus. J'ai pas les données, là, mais je suis pas mal sûre de ce que j'avance. Sans que ça soit, tu sais, ça. Je confirme. fait que c'est ça. Fait que j'ai une take plus personnelle puis une take plus globale là-dessus. Je vais commencer avec ma take personnelle. Ouais. C'est vraiment challengeant, honnêtement, d'être féministe puis d'être cis-hétéro, parce que ça veut dire que tu vas dater des hommes cis-hétéro. Puis ça, c'est vraiment pas nécessairement une bonne idée. Ah, mais ça a l'air l'enfer. Ça a l'air l'hostie d'enfer. Moi, je trouve que t'es indulgente, là. Ça a l'air d'être un hostie de chiard, là. je voulais vraiment pas essayer de faire pitié, mais genre, je le prends. Ah, mon Dieu, là! Moi, j'ai pour mot dire toute occasion de leur mettre de quoi dans la bouche puis les empêcher de parler. C'est bon, c'est vrai. Oh my God. Bon, ça. Mettez ce que vous voulez. Bon. Fait que c'est challengeant dans le dating parce que je vous écoutais parler de dating dans un épisode précédent, puis vous parliez de ne pas vouloir aller dans des bars tout le temps pour ne pas avoir à dépenser 60$ à chaque maudite date parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Oui. Puis, honnêtement, moi, je peux pas me permettre de faire ça, tu sais, je peux, là, mais je veux pas le faire parce que j'ai peur pour ma sécurité. Ouais. Puis je veux pas dire qu'il y a pas de personnes violentes et dangereuses dans les milieux queer, mais les hommes cis hétéros, là, ils ont pas la meilleure feuille de route, là, on va se dire. Ouais, non. Non. Fait que c'est épeurant, puis pas juste pour cette raison-là, évidente, puis vraiment dark, mais aussi juste parce que, tu sais, c'est de la job, puis avant d'avoir le goût, mettons, de dater puis de faire une place dans ta vie à un homme cis hétéro, tu sais, moi, il faut qu'il montre ses cartes d'alliés en esti, là, tu sais, dans le sens, il faut qu'il prouve, pas juste en le disant, pas juste en stalkant sur Facebook puis qu'il aille chérir une couple d'affaires de féministes, que, comme, il comprend puis il a de l'empathie puis il est capable de faire preuve d'autocritique, ce qui est vraiment l'affaire qui fait défaut aux hommes cis straight, vraiment. Mais tu sais, comme, puis aussi, genre, c'est ça, nice, c'est bien, mais à un moment donné, genre, sometimes, you just wanna get some, là, tu sais. Genre, je comprends, mais ça, c'est un gros screening, là, il y a pas beaucoup de gens qui doivent passer le test, puis genre, je sais pas, là, tu sais, c'est ça qui est compliqué aussi, tu sais. Je trouve ça ingrat juste parce que je trouve qu'il y a beaucoup un truc, en tout cas, moi, des fois, ce qui me choque avec des filles straight, c'est genre c'est qui leur partner puis genre qu'est-ce qu'ils pensent puis qu'est-ce qu'ils m'envoient comme image puis tu sais ça me fait chier de responsabiliser des femmes pour leur partenaire tu sais parce que au final c'est un grand garçon puis il fait bien ce qu'il veut mais en même temps c'est vrai que si t'es féministe puis que t'as de l'énergie pour le défendre, t'as de l'énergie pour l'éduquer aussi, tu sais. Genre, investis-la juste à la bonne place, que si tu le défends, c'est de l'énergie dans le vide, là. Genre, tu fais un travail d'éducation, mais en même temps, fais chier que ce soit une femme qui, genre, qu'on mette ça sur son dos de comme, ben, toi, éduque-la. Non, lui, stop being trash, tu sais. Fait que c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est des trucs compliqués, puis à un moment donné, ben, je comprends aussi que, quand, en tout cas, moi, toutes les face straight que j'ai dans ma vie, ça a l'air l'enfer de dater, puis à un moment donné, t'es tanné d'être seul, puis à un moment donné, you need to get some, puis genre, je comprends aussi les gens qui, genre, settle pour quelqu'un qui est pas une superstar, un allié superstar qui catch tout, tu sais, mais en même temps, genre, ouais. Je suis comme, c'est un sharp, c'est de la job sur tellement des gars! Puis tu sais, c'est-tu parce que t'es en couple avec quelqu'un ou parce que tu couches avec quelqu'un ou que t'es en relation avec quelqu'un que nécessairement tu cautionnes 100% des affaires, tu sais, de tous les bords, là, que tu cautionnes nécessairement 100% des affaires, puis effectivement, là, c'est pas la job de la conjointe ou de la blonde ou de la partner d'éduquer, puis non seulement c'est pas notre job, mais en plus, je sais pas, là, quand t'es féministe, là, c'est ça mon deuxième point, c'est qu'en couple, tout peut être sujet, en couple straight, hétéro, tout peut être sujet à une chicane féministe, mettons. Puis à un moment donné, comme si tu veux être bien, tu sais, on la choisit pas notre orientation sexuelle, là, fait que moi, tu sais, à un moment donné, si je veux être bien dans mon couple, faut que j'en laisse passer, mais veux pas, j'ai un manque de confiance de départ envers mon partenaire parce que parce que il fait partie de la catégorie qui m'oppresse puis qui m'agresse, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment compliqué. Puis c'est vraiment effectivement une position qui demande, qui met beaucoup de responsabilités entre les mains d'un groupe de personnes qui en ont. Tu sais, c'est pas leur responsabilité d'éduquer ces gars-là. Là. Moi, je bottom line. Je maintiens mon point de si t'as l'énergie de le défendre, réinvestis cette énergie-là ailleurs. Parce que, genre, tu sais, je trouve que c'est ça qui est poche, des fois, de te retrouver dans. Puis je trouve qu'avec les féministes straight, des fois, là, quand tu fais juste parler de comportement problématique, même pas juste de leur chum, de leurs amis, quand c'est leur ami, parce qu'elles sont habituées de faire ces compromis-là, parce qu'elles chillent vraiment plus avec des gars straight, elles, comme, elles t'enlisent dans le truc de comme, mais toi aussi, il faut que tu les fasses, qu'est-ce que tu veux, ils sont comme ça. Puis je suis comme, no, bitch, I don't put up with that. Genre, moi. Moi, je. Non, mais c'est un vraiment bon point, là. Si t'as l'énergie de défendre, t'as l'énergie de l'éduquer, c'est un. Je vais m'en rappeler de ça, là. Yes. Ouais. Alex? Ouais, non, mais je voulais comprendre dans le sens de, tu sais, c'est ça, pour toi, si je comprends, comme de garder quelqu'un dans ta vie qui fait des violences sexistes, mettons, c'est pas comme, c'est de le cautionner un peu, puis il faudrait comme travailler pour essayer de changer la personne. Moi, c'est plus un truc de, genre, dans une situation sociale, puis vraiment plus par rapport à, tu sais, moi, j'y vais de ma positionnalité à moi, de, genre, tapette, tu sais, moi, si je mets ton chum mal à l'aise, puis que tu dois me convaincre que, non, ton chum, il est nice, il est juste pas habitué, il prend du temps, puis tout ça, je suis comme, ben, ça va être à toi d'avoir ces conversations-là avec lui, puis pas avec moi, parce que moi, pour vrai, genre, de sentir que je le mets mal à l'aise, puis que je suis un problème, ça me tente fucking pas, puis genre, tu... Comme, essaie pas de m'amadouer, moi, envers ton chum. Essaie de, comme, travailler ton chum sur ces affaires-là si c'est une situation qui me met mal à l'aise. C'est vrai que c'est poche parce que ça met encore une situation où, genre, c'est à une femme de prendre une responsabilité puis de faire un travail d'éducation. Mais en même temps, comme je disais, au lieu de prendre l'énergie pour le défendre, prends l'énergie pour l'éduquer parce que, genre, moi, il n'y a pas, tu sais, comme... Oui, j'acknowledge que les gens sont capables de changer puis d'évoluer, puis je vais pas y en vouloir pour toujours, mais en même temps, moi, quand on me fait sentir comme un problème dans un espace juste parce que je suis qui je suis comme, that is, genre, ce problème-là est on you, là. Genre, je me sentirai pas responsable. C'est clairement pas à la personne qui se fait marginaliser de trouver une solution pour que l'agresseur arrête de l'agresser, là, comme ça a aucun esti de rapport, là, mais ils ont pas dans la ben caronne de se gérer tout ça. C'est ça l'affaire. Ça va se gérer. Il faut qu'il soit confié sous la garde de quelqu'un, que quelqu'un soit responsable, qu'on prenne gardez-les quelqu'un. Je sais, on se lance comme une patate chaude, calice. Mais non, mais Chris. On n'a pas un topo sur la tutelle. Non, non, on ne veut pas faire un topo sur la tutelle des hommes vrai, hétéros. Oui, Britney, puis mettez tous les hommes straight sur conservatorship. Genre, c'est eux autres qui en ont besoin, là. Oh, my God. Je t'aboute. Mais je pense quand même pas, Alex, que si tu te fais chier à tous les jours ou que je me fais chier à tous les jours à faire le ménage à la place d'un homme qui ne le fait pas. J'ai quand même le droit de chialer à mes chums en même temps que j'essaie comme je peux avec mon énergie d'éduquer là-dessus, mais comme ça je laisse ça de son, comme mon tabarnak au je vois que c'est mon cas. Mais ouais, c'est ça, je voulais par exemple je voulais ramener une justement vu que je sais pas, là, une majorité, là, je veux dire ça, d'hommes cis-straight semblent incapables de gérer, il y a comme une notion plus théorique ou pas que je trouve full intéressante par rapport à ça, puis j'avais le goût de vous en parler, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est le lesbianisme politique qui est beaucoup associé au féminisme de deuxième vague. Oui. Mais je trouve ça malade parce que c'est comme, dans le fond, c'est l'idée que l'hétérocentrisme, puis l'hétérocentrisme, dans le fond, renforce le patriarcat, puis les violences sexistes. Fait comme, ben, c'est Monique Wittig, entre autres, là, qui a vraiment comme amené ça dans le monde francophone, dans la pensée straight, que dans le fond, les catégories comme hommes puis femmes font juste du sens dans un monde hétérocentriste. Puis à partir du moment que, mettons, tu sais, là, c'était dans un moment où ce qu'on disait plus les femmes, mais mettons, à partir du moment où ce que tous les groupes de personnes qui sont oppressées par le genre font « Hey, regarde, les gars, genre, on va s'arranger tout seul », puis coller sur leur camp, puis s'en vont tous ensemble ailleurs, ou tous dans des communautés qu'ils décideront bien, puis ils arrêtent de côtoyer dans leur vie intime aussi, finalement, des hommes cis-hétéros, ben c'est ça la meilleure façon d'être féministe, finalement, selon elle. Dans le fond, elle allait jusqu'à dire que tu peux pas te considérer comme féministe si t'es en relation intime avec des hommes straight. Comme la seule façon d'être 100% féministe, c'est d'être lesbienne, finalement. Ce que je trouve... Moi, je suis comme, est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. Est-ce que c'est la plus enjoyable? Clairement, là. C'est ça. C'est ça. Après, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire s'il y a personne pour les gérer, cette gang-là. Ça, c'est peut-être un peu épeurant. Mais ils s'arrangeront bien, voyons, t'es encore en train de gérer, laisse-le non, s'arranger! Non, pas dans cette là. Non, my God, pas pour manger, mais genre, qu'est-ce qu'ils vont inventer comme plan machiavélique pour faire exploser la Terre? Ah! Tu sais, j'aime bien l'espèce d'aspect lesbianisme politique de Monique Wittig, sauf que ça ramène encore l'idée que les femmes sont une grande classe sociale qui pourrait tout en même temps débarrasser les hommes et ça réglerait tous leurs problèmes. Mais là, on n'a pas parlé de racisme, on n'a pas parlé de capacitisme, on n'a pas parlé de... Bon point, mais tu sais, après ça, c'est ça. Entre femmes aussi, il y aura... entre femmes, entre queer, et je veux dire, ça arrête jamais. Si on peut pas passer 5 minutes sans canceller quelqu'un, fait que... OK, là, pendant qu'on est sur la deuxième vague, hot fucking topic, la question qu'on attend toutes de se pitcher dessus, pourquoi, en tant que queer, on a l'impression que même les féministes qui se disent de tradition matérialiste deuxième vague, pour qui le genre est socialisé et construit, ont de la difficulté à sortir de logique essentialiste? Fait que là, on capotait tellement sa question qu'on l'a divisé en deux sous-questions, parce que là, une fois qu'on ouvre les valves, ça va être sorti, puis là, ça va commencer. Fait que là, par exemple, comment ça se fait que c'est difficile d'adopter un langage plus inclusif quand on parle de, mettons, des menstruations qui sont considérées comme une expérience de, entre guillemets, femme ou des affaires de même? Non, mais Chris, hein, je sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai accouché 2 fois, fait que je vais essayer de parler de ces expériences-là qui sont souvent dans cette catégorie-là. Je m'essaye à dire que je pense que ça vient de 2 affaires qu'on nomme tout le temps, l'éducation puis le manque de représentation trans puis queer dans les médias. Parce que bon, on a... peut-être aussi parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas nommé là, la société misogyne patriarcale. Tu sais. Oui. Oui, le capitalisme. Puis le capitalisme, le patriarcat tout le temps. Tu sais, quand tu peux, t'es plug. Oui, excuse-moi, oui, oui. On continue. Tout ça avec un site de sauce ranch. Ben c'est ça. Mais je trouve qu'on a peu vu de personnages. Ben je trouve, on a peu vu de personnages trans ou non binaires point dans les films, les séries, les annonces quand on était jeune, puis encore moins des personnages autres que des femmes cis qui ont des menstruations puis qui vivent des grossesses et compagnie. Mais nos parents en ont encore moins vu que nous autres soient pas, puis avant, mais on n'en parle même pas. Mais cette problématique-là est vraiment présente, puis surtout dans les régions. Là, moi, comme ado, dans mon école où on était genre maximum 400, mettons qu'on était 15-30 sur le spectre LGBTQI2A+, quelque part, on se ramassait entre nous autres comme on pouvait, mais on était quand même fucking dépourvus parce que les générations avant nous, ils s'exposaient peu publiquement, puis que les modèles dans les médias, on les avait pas. Tu sais, ça a pris... C'est pas avant la fin de mon secondaire que j'ai rencontré des amis jeunes, adultes, mettons, gays puis lesbiennes. D'ailleurs, merci, Esther. Shout out! Vous m'avez sauvée. Mais c'est ça, tu sais, puis ça m'a repris encore plein d'années après avant de rencontrer des personnes ouvertement trans. Puis ça a même été long avant que je rencontre des féministes qui se revendiquent féministes, tu sais. Fait que je comprends l'idée de vouloir bonder sur des expériences comme les menstruations puis la grossesse. Là, comme je vous disais, j'ai accouché 2 fois, je sais que c'est fucking spécifique. Puis si tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Mais je comprends pas pourquoi faudrait que ce soit une expérience de femme, entre guillemets, pour bonder, tu sais. D'ailleurs, il y a plein de femmes cis qui partageront jamais l'expérience de l'enfantement, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Étant plus exposé à la diversité plus jeune, je pense qu'on saurait qu'il n'y en a pas de réalité purement féminine. Puis tu sais, ce qui est tough, c'est qu'il faut faire cette déconstruction-là. Puis c'est ça qui est de la job, parce que c'est par leur là on nous les inculque pas. Il faut s'élancer dans la tête. C'est aussi une forme de misogynie intériorisée. Tu sais, pendant longtemps, je veux dire, le féminisme de deuxième vague avait une raison d'être quand même. Là, ça n'a pas apparu de n'importe où. Mais tu sais, pendant longtemps, les hommes ont vraiment réduit les femmes, toutes les femmes sans exception, à basically animal reproducteur, là, je veux dire, ça sent trash, mais c'était comme carrément ça, là, c'était objet, les femmes étaient toutes mineures, pas le droit de vote, bon, on connaît cette histoire-là. Puis ça, ils ont tellement tapé sur ce clou-là qu'on a un peu intériorisé le « mon vagin, mon choix » chez les femmes, tu sais, comme si c'était automatiquement que ça allait ensemble, parce qu'ils se sont tellement fait dire « vous n'êtes que ceci, vous n'avez pas le contrôle là-dessus », bon, on pourrait parler aussi de la lutte pour les droits à l'avortement. J'ai l'impression que c'est ça, on dirait qu'on... que c'est difficile d'arrêter de répondre à cet hétéro-patriarcat-là, genre, parce qu'il faut y répondre, il est là, lui. Puis lui, il pense juste aux femmes, il pense pas aux trans, aux personnes trans. Oh! Deep shit! Tu penses pas que tu y penses, mais tu y penses. On fait pas des paradoxes souvent, mais quand on en fait pas. OK, hot take. Mais moi, je pense que on n'a pas besoin de définir ou de délimiter qui fait l'objet du féminisme pour être féministe, en fait. Parce que ça tu sais, comme ça, dans les faits, on sait qu'il y a des inégalités de genre, on sait qu'il y a une multiplicité de manières d'exister en ayant un genre qui sont différentes de hommes-femmes. Puis, dans la mesure où on combat, on sait c'est qui l'oppresseur, on sait à qui s'attaquer. Fait qu'on n'a pas besoin de délimiter qui est avec nous autres, qui n'est pas avec nous autres, tant que les gens sont avec nous. Tu sais, comme, je trouve que... puis, en même temps, c'est aussi utile... de déterminer, tu sais, qu'est-ce qui, parce que dans un imaginaire collectif, c'est associé à des choses de femmes, est diminué, puis de spécifier que, oui, c'est le principal vecteur de ça, c'est la misogynie, mais que ça a des conséquences sur des gens qui sont aussi pas des femmes, qui le subissent aussi, tu sais. Mettons, trucs de droit à l'avortement, mais c'est sûr que c'est un truc d'hommes qui pensent pas aux personnes trans, mais qui pensent pareil. qui pensent qu'ils veulent contrôler le corps des femmes, puis qu'au final, ben, ça a des impacts sur autant des gens qui sont pas des femmes que des femmes, puis ça sert à rien de réduire ça aux femmes parce que c'est de la misogynie dans la tête de l'oppresseur, parce que ben, les résultats, comme au final, c'est plus utile de penser à sur qui ça a un impact, puis que c'est un truc de contrôle du utérus, puis de nommer les choses comme elles sont, parce que ben, c'est un enjeu du utérus, tu sais. Puis, mais je comprends aussi les vieilles féministes qui sont comme, mais là, on n'a plus le droit de dire femme, puis je suis comme, ben, tu sais, on peut le dire. C'est juste que c'est pas vrai de dire que ça touche seulement les femmes. Mais c'est ça. Tu peux le dire quand tu parles des femmes, mais quand tu parles des personnes avec un utérus, t'es pas en train de parler des femmes. Mais t'es en train de parler des personnes avec des utérus. C'est comme, dis-le quand c'est le temps de le dire. On est-tu prêt à passer à l'autre question? Ou il y a encore est-ce qu'on ferme les valves? Moi, j'hésite, là, parce que là, j'ai gros mots en tête. Là. C'est ça. Je vais essayer de vulgariser ma pensée puis que ça sonne pas comme si j'avais fait P15 à l'UQAM. On va s'entendre, là, au-delà de la distinction homme-femme qui semble être, on va en parler tantôt, être un peu l'espèce de prison dans laquelle on est poigné, tu sais. Les gens pensent encore qu'il existe une chose telle que la nature humaine, hein, qu'il y a un core dans le milieu de l'humanité, que quelque part, là, on se ressemble tous, il y a quelque chose. Fait que là, les gens sont comme, ah, mais l'être humain est méchant, c'est dans la nature humaine, ça va toujours. Là, il y a tout le temps le débat Rousseau-Hobbes, là, est-ce qu'on est bon par nature, la société nous décrisse, ou est-ce qu'on est mauvais par nature, la société nous décrisse? La réponse aux deux cas, c'est la société nous décrisse. J'ai l'impression que c'était un crash course de genre philo UQAM, genre j'ai mon bac, tout va bien. Shabam! Michel Foucault 101, c'est réglé. La nature humaine, ça n'existe pas. C'est un concept qu'on a inventé à peu près au tournant de la Renaissance. Alors, c'est dit. C'est contre fait que les gens, la nature. Vivement l'ouverture des karaokés. Ouais, parce que c'est ça. Les gens pensent encore en termes de nature humaine. Fait que c'est sûr que quand tu essaies de leur dire non, il n'y a rien qui nous unit as une masse. Même on pourrait aller aussi loin que le concept de nation. Là. Ça veut rien dire être Québécois, Québécoise. On est tous différentes. On n'est pas un peuple uni derrière des grandes vautes. Non. Fait que les gens ont de la misère à sortir avec des grandes catégories de sens. Les gens ont besoin de grandes catégories. Quand on essaie de diviser ça et dire non, là, c'est pas des belles lignes, c'est plein de... Hein, comme le fond d'écran là, sur Windows 95 avec les petites lignes qui partent dans tous les sens et qui se recoupent et tout. Là. Hein? Hein? C'est ça qui nous enseigne à l'UQAM. C'est ça. Comment ça se fait qu'on a l'impression que Comment ça se fait qu'on a l'impression que la socialisation homme-femme est une espèce de prison des essences et des natures à laquelle on ne peut jamais échapper? Petite question facile. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, comme, moi, je suis féministe, mais je me considère comme femme, puis je suis pas capable de dire pourquoi, mettons. Je suis pas capable de faire du sens de ça, parce que je trouve que, comme, oh, ben, on en parle depuis tantôt, mais être féministe, c'est déconstruire la question de genre, puis dans le fond, se rendre compte que, tu sais, there's no such thing, là, dans le fond, tu sais, c'est pas... c'est ça, là, c'est, tu peux être un homme ou une femme, mais tu peux être, genre, tellement d'autres affaires, puis ta vision de c'est quoi être un homme ou une femme peut être complètement différente de celle de quelqu'un d'autre. Mais, pourquoi moi, je décide, avec tout ce que je sais, puis avec tout ce que je ressens, puis avec tout ce que je vois, de me considérer comme une femme, quand je sais que, tu sais, la catégorie femme, tu sais, c'est genre, comme tu disais tantôt, là, la grande catégorie femme, c'est la catégorie oppressée par les hommes pour un potentiel reproducteur. Pourquoi ça me tenterait, mettons, d'appartenir à ça? Genre, je sais pas, mais en même temps... En même temps, je le fais. They made it look good in the 90s, I guess. Ça a jeté en mode. C'est ça. non, mais c'est vrai, Alex, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, j'ai vraiment passé par ces réflexions-là, tu sais, justement, là, dans le temps de P15, quand je faisais mes cours de sociologie queer. Non, je suis P15, tabarnak. Là, je me disais... On va demander à la page avec le beau loup bleu de nous reshare, là. Non, mais comme, à partir du moment où tu dis « OK, j'ai une plotte. Avoir une plotte, ça égale pas être une femme. Fait qu'est-ce qui fait de moi être une femme? Puis là, qu'est-ce qui fait que je t'attache à cette étiquette-là? Puis moi, qu'est-ce que je me disais? C'était comme « Ah, oh, ben mes traumatismes, c'est des traumatismes que je partage avec d'autres personnes assignées femmes. Mon vécu, les violences sexistes, la façon que je les vis, certains abus, ma façon dont j'ai été socialisée. » Puis j'étais là « Ouais, mais... » Est-ce que finalement, tu sais, c'était comme réconfortant de savoir que je partageais ces traumas-là puis ces abus-là avec un groupe d'autres personnes, mais à partir du moment où tu caches que ces personnes-là peuvent être aussi des personnes non-binaires, peuvent être aussi des personnes trans, c'est comme, ça fait juste plus de sens. En tout cas, à quoi bon, tu sais? Ouais, puis je finis pas mon point. Comme on a dit tantôt, tu sais, une femme noire, une femme blanche, une femme, tu sais, une femme en Europe, une femme en Amérique, une femme en Asie, vit pas les mêmes oppressions non plus. Fait comme, c'est quoi, tu sais, c'est quoi la catégorie femme? Puis c'est bien correct de vouloir s'identifier comme femme aussi. C'est vraiment correct aussi. Mais c'est sûr, faut qu'on considère que c'est une des options, mettons. En tout cas, c'est de même que je le vois. OK, hot take. Encore? Ça n'arrête plus. Si ça chauffe, ça chauffe. C'est pas parce que tu commences à dire hot take que ça la rend plus hot. Hein? Faut vraiment regarde, je gère moi-même le thermostat de mes takes, ma calice. Sensible 94. OK. Pour moi, une des ruptures principales entre les pratiques militantes féministes deuxième vague et troisième vague, c'est que la deuxième vague sont encore dans des dichotomies essentialiste sous l'espèce de couvert de la socialisation qui sont très victimaires en fait parce que l'essence c'est tabou fait que tu peux jamais comme référer à l'essence mais la socialisation ça devient un nouveau déterminant social qui justifie une position de victime universelle alors que les militantes de la troisième vague puis les queers je trouve qu'ils sont beaucoup plus dans le constructivisme le pouvoir d'agir sur nos perceptions sur notre socialisation d'en faire sens d'évoluer là-dedans tu sais puis je trouve que pour les gens qui sont plus une tradition de deuxième vague, c'est comme une espèce de pente glissante vers des logiques super sectaires ou même genre du cancel culture de marde, de genre, on n'a pas de pouvoir d'agir, notre seul pouvoir d'agir, c'est de genre, de shut down des trucs, puis de dire que les trucs, c'est de la merde, alors que c'est utile vraiment souvent, on s'entend, là, mais que dans de l'interpersonnel, des fois, je trouve que ça fait peu de sens, tu sais, puis que tu peux pas non plus... discuter d'enjeux si on est dans un truc de il y a des victimes et des bourreaux alors que genre je comprends qu'il y a des oppresseurs et des opprimés mais tu sais si on tourne en rond avec un truc de socialisation où on s'empower jamais genre je trouve que c'est déprimant as fuck. C'est la partie empowerment qui manque souvent. C'est ça. Ouais. Je trouve que j'ai un autre hot take, mais je suis full d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai un hot take complémentaire. Crainte le chauffage! Parce que je trouve que, mettons, de point de vue, parce que je suis à l'université, je fais de la recherche, Puis, d'un point de vue, justement, analytique, ah, pour checker des... Non, mais c'était... je disais pas ça dans ce sens-là. Oh my God, ça m'a sorti. Non, je sais, c'est vraiment drôle. Ce que je voulais dire, c'est que... Non, c'est vraiment drôle. On a compris l'ironie, là, ça va, là. Pour faire... quand on fait de la recherche, tu sais, c'est le fun, des fois, d'avoir une idée de... Veux pas, les personnes... oui, effectivement, il y a une logique victimaire, je suis vraiment d'accord avec toi, mais veux pas, les personnes qui ont été socialisées d'une certaine façon versus d'une certaine autre façon... partent pas, mettons, avec les mêmes cartes dans leur jeu. Peut pas... Je trouve que, mettons, des fois, de... Oui, la pente est glissante vers l'essentialisation, mais de pas considérer cette socialisation-là, ça peut peut-être être un manque après dans la façon dont on fait la lutte, dans la façon dont on parle des personnes dans la lutte. Absolument. Mais c'est ça le truc avec la socialisation, c'est qu'il faut pas que ça devienne un fourre-tout à, genre... à justifier l'essentialisme à demi couvert, mais en même temps, c'est vrai qu'on est tous socialisés, calice, là. Genre, on est tous socialisés dans cette société-là, tu sais. Ouais. Mais autant qu'on est tous socialisés, comme aussi, tu sais, je pense que comme, faut croire au. Tu sais, au cap. Faut croire au capable du monde de se. Fuck yes! Oh my God! De déconstruire. Ton slogan de campagne, faut croire au capable! Créez votre capable! This is your inner pas capable and you need to let it go. Oh mon Dieu! Your inner pas capable. Ça fait que faut croire aux capables du monde de dépasser comment ils ont été socialisés puis aussi de déconstruire ces comportements-là parce que, tu sais, faut pas non... Ben c'est ça, faut pas tomber dans une logique essentialiste non plus de comment est-ce que tu t'as été socialisé de même, tu t'en sortiras jamais! Moi, j'y crois en ton capable. Ou pas, ça dépend. Merci, Elvis Graton, pour ta hot take. Roger. C'est Roger, mon nom. OK, Roger. De région. Excuse-moi, Rivas. Une autre affaire, parce que je vais prendre mon rôle que j'ai tout le temps dans tout ou pantoute, c'est le input parental, parce que c'est ma job. Mais c'est parce qu'on est socialisé, mais on socialise aussi, il ne faut pas oublier. Puis comme ça, c'est ouf. C'est ce qui est vraiment emprisonnant, c'est que dans la socialisation qu'on fait, on enseigne le genre comme un fait immuable encore à ce jour. C'est encore super tough. Oui. T'as un pénis, donc, au lieu de dire « donc t'es un garçon », on dit « t'as un pénis, donc on t'assigne garçon, donc on te socialise comme tel », ce qui revient à la même affaire. Donc, tu vas être fort Emmanuel, aimer les voitures et la construction. Calis, that's it. Mais, tu sais, on nous dit jamais genre comme t'as des jambes, on va te socialiser comme quelqu'un de sportif et athlétique, donc tu vas aimer le ski et la course à pied. Moi, j'ai été socialisé bipède, c'est pas pour vous, là. Mais c'est ça, je me trouve drôle parce que c'est comme un des arguments de baby queer, mais en même temps, comme on n'en est pas sorti, c'est encore la même affaire, c'est la même prison qu'on a tout le temps eue. T'sais. Fait que la binarité, comme on la transmet aux jeunes, c'est full antiféministe, c'est full transphobe encore à ce jour. Puis comme à garderie, on le voit, t'sais, on est ultra chanceux d'avoir trouvé une garderie où mon enfant qui possède un pénis peut aller en jupe sans se faire chier, mais comme pour vrai... Il n'y en a pas tant que ça, puis c'est un critère. Genre ça, faut que tu visites des places pour en trouver. Fait que faut pas oublier qu'on socialise du monde. Fait que déconstruisons plus calice parce qu'on est en train de refaire des affaires de merde. C'est vrai, hein? Moi, Charlie, je veux juste souligner une petite affaire. T'as dit que t'as été socialisé bipède, mais à quantité de temps que t'as passé doggy style, t'es quadrupède, c'est sûr. Just saying. That's it. Des années d'évolution humaine que je trimpais là, moi, j'en reviens à quatre pattes. Ouais. Année anti. Next step, tu retournes dans l'eau puis tu... Ouais, c'est ça! Next time, j'en deviens un amphibien dans genre le spa du GI, genre. Oh God! Quel écosystème! Parlant du GI, chez les queers, on parle de sexe de manière très décomplexée. Des fois au point où on n'est plus capable de s'entendre parler de cul, est-ce que les milieux féministes straight ont trouvé la juste balance ou est-ce qu'ils sont au contraire plus prudes? Plus prudes! Ben, si t'es hétéro... calme tes nerfs! Ben, si t'es hétéro dans notre monde, ta vie sexuelle est moins un tabou, c'est un fait, mais ça l'empêche pas d'être pogné dans plein de carcans, même autant slash plus. Il est pas trippant là, le rôle que la société occidentale propose aux femmes cis là, en termes de sexualité. Il y a, tu sais, c'est ça. mettons que je recule dans le temps ou puis que je nous rappelle juste deux secondes l'existence de l'hystérie. Ouais, oui, on salue comme Freud en passant. Cette grave maladie là, qu'il y a sûrement pas juste des femmes qui en ont souffert puis qu'il y a plein de monde est mort au bûcher encore dans le placard forcément. Oui. Mais bon, c'est ça, ce rôle là dans la sexualité qu'on laisse aux femmes cis, ben il est vraiment pas génial. Puis je dis pas ici que tout le monde a une sexualité plate là, mais historiquement on n'a pas fait de grande place à l'épanouissement sexuel, ouais, me semble. Mm-hmm. Mais là, de là à dire que les féministes sont plus prudes, je pense qu'il y a deux mondes, mais je vais laisser les chums. Là. Mais. Oui, les chums! Les chums! Mais je pense qu'il y a beaucoup de mouvements sex-positifs dans les mouvements féministes straight, puis que c'est vraiment hot, puis je pense que. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui existe, là. Pas juste dans le milieu queer. Mais en même temps, on a discuté de votre question, puis. On trouvait que c'est pas parce que t'es pas tout le temps en train de parler de sexe que t'es prude nécessairement. Je pense qu'on a un peu un problème avec le mot prude en fait. Ou que t'aimes pas le sexe. Mais prude, c'est chargé là, comme terme, là, on s'entend là. Non, mais j'allais dire qu'il y a comme une pression qui peut aller des deux côtés des fois. T'sais, une pression de d'être politically correct puis de pas en parler. Mais il peut y avoir une pression aussi. Dans des mouvements, mettons, plus, tu sais, justement, là, qui prônent une sexualité libérée, assumée, etc., de tout le temps d'en parler, puis de tout le temps parler soit de ses expériences ou écouter les expériences des autres personnes, puis c'est pas parce que t'es down avec tout ça que t'as le goût d'en parler, puis d'en entendre parler tout le temps, puis ça veut pas dire que t'es prude, dans le fond. Puis, ben oui, puis aussi, rappelons-nous les doubles standards qui sont imposés aux personnes. Socialisée ou assignée femme, là, tu sais, c'est comme sois pas prude, dans le sens. Ah oui, non, la ligne à naviguer, une sexualité libérée, mais pas trop, parce qu'on va te shamer, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est pas nécessairement dans le féminisme, genre, est-ce que le féminisme est plus prude, mais je trouve que dans des pratiques de milieu straight, je trouve que des fois, genre, quand tu parles, quand tu crack une joke de sexe, les gens vont te regarder avec des grands yeux, de comme « Ouh, c'est drôle, mais on dit pas ça! » tu sais? Puis puis aussi... Mais c'est parce que nos jokes de sexe, ils les piquent parce qu'ils savent pas c'est quoi. non, c'est une joke. Mais je trouve que dans les milieux straight, en fait... Ils comprennent rien que pas. Ouais, non, c'est ça. Comme... C'est ça, c'est... Non, mais je trouve que, tu sais, genre, autant c'est un peu gossant dans des milieux queer de savoir les ramifications de qui a fourré avec qui, quand, quoi. Il y a peut-être même des vidéos online. Tandis que dans les milieux straight, ça se sait juste quand il y a une chlamydia qui se passe, parce que sinon, personne ne se parle. On sait que tout le monde, que les gens sont là, puis oui, OK, on est libéré, puis il y a plein de monde qui couche avec plein de monde, mais tu sais, comme c'est pas un truc qui est discuté tant que ça. Puis je trouve ça drôle, en fait, cette espèce de comme « Ah ouais, OK! » Mais je pense que ça dépend des milieux. Puis, mais je comprends ce que tu dis. Puis c'est clair, tu sais, il y a une culture queer qui est, tu sais, la culture straight, premièrement, il n'y en a pas, mais comme, tu sais, c'est différent, là, c'est sûr. Mais... Il n'y en a pas, c'est tout. Ouais. Mais clairement, il y a une différence dans la façon d'en parler. Mais, tu sais, je pense pas qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on ne sait pas qui a couché avec qui dans les milieux straight, là, comme on le sent en esti, là, en tout cas, dans mes milieux, là. Ah, OK, cool. Ouais, OK, parfait. Ben, good for y'all. Ou pas. I'm a gossipy bitch, là. Moi, j'aime ça savoir. ce que j'ajouterais à ça, il y a une partie de la question qui était dans les milieux queer, des fois, ça n'est au point où on n'est plus capable d'en entendre parler. Moi, j'ai souvent fait référence à ça au micro de Fif le matin, qu'à un moment donné, calice, là, j'ai l'impression que des fois, le sexe, c'est comme le beurre. Là, moins t'en as, plus tu l'étends. Là, fait que... Ça me gosse un petit peu, mais c'est l'impression que j'ai, c'est que de la même manière, tantôt je disais, c'est un peu fatigant quand le féminisme passe son temps à répondre à ce que le patriarcat pense que sont les femmes en disant « mon vagin, mon corps, mon utérus, mon corps », ça va faire le même. C'est un peu la même chose dans les milieux queer, notre sexualité, parce que bon, dans les milieux queer, il y a le genre, la sexualité. Pour beaucoup de gens, la sexualité est tellement opprimée qu'on passe notre temps à répondre à cette oppression-là par dire « fourré, sexe, fourré ». Ben oui, c'est clair. Puis ça peut devenir problématique, je sais pas, mais redondant très certainement. Gossant, clairement. Ben oui. Il y a des amis, tu sais, par exemple, des amis à sexe qui sont dans des groupes queer, tu sais, parce que Chris et Steve, ils sont là. Ils ont raison d'être là. Puis ils sont tu sais, même s'ils sont sex positifs, ils sont fucking bored. Puis t'as envie d'entendre parler de sexe, puis de voir ce sujet-là être valorisé, mais aussi être imposé parce qu'on n'est pas tellement conscious quand on parle de sexe. Qu'il y a peut-être du monde autour de la table où c'est qu'on est qui ont fucking pas le goût d'en entendre parler, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'ils sont prudes, c'est juste des fois ça les board, là, ça les intéresse pas. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi que l'espèce d'image de ça se parle moins dans les milieux féministes à cause de toutes les violences, ouais. Puis les agressions. Ben, ça peut être vraiment trigger. Ben oui, ça c'est un peut être trigger qu'on trigger, connaît. Hein. Oui. C'est un trigger que tout le monde connaît. Ouais. C'est peut-être pour ça. Ouais. Je sais pas. Mm. Ouais, mais en même temps, non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça, parce qu'on en a parlé avec Alex quand on déblatérait. Quand je réconfortais mon kid. Ouais, quand tu réconfortais ton kid hier, puis qu'on déblatérait ce sujet, on se disait comme, tu sais, est-ce que c'est parce qu'on parle tellement des violences sexuelles dans les milieux féministes que comme il n'y a plus de place pour parler de sexe, en même temps, on se disait, ouais. Mais parler de violence sexuelle, c'est pas parler de sexe, c'est de parler de violence. Non. Oui, c'est ça. Mais il y a de la ça. Place mais quand même, mais ça peut trigger. Ça peut être un trigger, c'est qu'on sait que le sexe est un nid. Mais pas le sexe, c'est pas le sexe, justement. C'est, non, mais oui, c'est qu'en tout cas, oui. Il y a un... Ben, c'est ça, il y a un nid de violence, là, en lien avec la sexualité. T'sais, j'allais dire dans les milieux féministes, dans la vie. Dans la vie. Puis, tu sais, pour revenir à l'exemple des femmes qui sont hétérosexuelles, pour les homosexuels, il y a un coming out, il y a un moment de césure, il y a un moment où tu dis, OK, maintenant, je suis gay, c'est réglé. Ben, c'est réglé. Il n'y a rien qui est vraiment réglé, mais réglé. Tu passes à d'autres choses. C'est réglé. Ça, tu peux passer à d'autres choses. Si t'es non-binaire, un peu la même chose. Tu peux passer à d'autres choses, mais là, je parle plus question orientation sexuelle. Tandis que si t'es femme, hétéro, c'est sous pont, on s'en fout. Y a pas de coming out. Les gars straight vont être là from start to the end. Il y a peut-être pas la même euphorie. Ouais. Parce que peut-être qu'ils en parlent autant que nous autres, mais peut-être pas avec le même euphorie et avec le même « Oh my God, girl! » Mais il y a aussi plus une notion de danger, là, aussi. Là, tu sais, genre, moi, c'est bien facile pour des tapettes de, genre, se claquer des inconnus sans s'inquiéter pour leur sécurité, mais tu sais, c'est vrai que comme ça, c'est plus... c'est comme la violence patriarcale misogyne, c'est plus tough, tu sais. Ouais. Ben oui, puis si à chaque fois il faut qu'il passe par tout le processus qu'Alex nous a raconté, tu sais, de comme c'est quoi être une féministe straight qui date, comme Chris, ça fait pas beaucoup d'histoires à raconter, là, parce que. T'as moins d'anecdotes! Sont pas beaucoup, là. En effet. Je vais pas gosser, mais j'ai vraiment soif, puis je bois pas de café, mais j'en boirai un. Oh! À l'anime! Ah ouais, ben tu veux-tu nous envoyer vers le café? C'est une joke, non, là, vous avez le droit de parler. Si tu veux nous envoyer vers le café, vas-y. Mais je sais pas où aller, je les connais pas, faut que vous me dirigiez. Bon, ben on va se caler un café en supprimant le plus de PDF qu'on peut jusqu'à peut-être un moment donné arriver à jeter le collectif raciste pour les droits des femmes PDF à la corbeille lui aussi. Et on vous revient overcaféiné! Piu-piu! C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Oh my God, tout ou pas en tout, merci tellement d'avoir été là. Wow. Yo, plaisir. Ben merci de nous avoir reçus. Mais c'est tellement hot. Vous n'avez pas besoin de frapper pour rentrer chez moi, là. Je veux dire... pas besoin de frapper pour rentrer dans mon Zoom, dans ma réunion Zoom. Là, tout ou pas en tout, êtes-vous off-season en ce moment? Oui. Écoute, là, je nous ai préparé toute qu'une intro là, pour vous plugger tout ce qu'on a à plugger. Yes. Ah ouais, OK, vas-y, plug-moi ça. Outro. Pegging Queen. OK, écoutez bien ça. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant tout ou pantoute, tout avec un E, un S à la fin, puis un gros E, parce que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pantoute en un mot avec un A. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. C'est bon, c'est hein? Bon! Wow! On a pensé à ça. Mais bref, oui, on est bien énervés. On est bien énervés parce qu'on a une nouvelle saison qui s'en vient. Plein de belles surprises. Je vous les dis pas, mais on a plein de belles surprises. On a des invités qui sont vraiment géniaux, qui nous font full triper. Fait que suivez-nous sur les médias sociaux pour vrai, pour rien manquer. Puis on a une saison de 7 épisodes tout dispo en ce moment sur les applis de la technologie moderne. Puis personnellement, je m'enligne pour plugger que après l'asphalte, un de mes bands sort ou vient de sortir. Je sais pas quelle date qu'on ma grande chum Sonia Palato. Mais... Oui, avec ta grande chum Sonia. C'est ça, allez nous écouter, je pense que c'est bon. Oui. Moi aussi, je vais me faire une plug avant de starter ma petite conclusion. Si ça vous tente d'aller écouter ça, puis je vous jure que ça vous tente, j'ai fait un petit podcast en collaboration avec l'ATQ, l'Aide aux trans du Québec, qui s'appelle « Bon baiser de personnes trans ». C'est 2 épisodes, 3 heures de matériel, des invités de feu. Alors, je vous invite vraiment à vous garocher là-dessus. D'ailleurs, c'est 2 podcasts avec des personnes toutes non cis. Il n'y a pas une cis personne sur le show. Ça a été merveilleux. On a eu bien du fun. Je vous invite à aller écouter ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, 2, le chiffre 2, fifs avec un X à la place du I parce qu'on ne veut pas se faire chadant par la police des mœurs. 2 fifs le matin, en un mot, le chiffre 2, je l'ai déjà dit. Avec un X à la place du I, je l'ai dit aussi. En un mot, je l'ai dit aussi. Bon, c'est beau. Je fais mes checklists. Non, mais ça, je m'inspire de il vous manque le gros E. Il vous manque le gros E pour essayer d'inclure tout le monde. Sans doute avec un A. Moi, mais Charlie, il y a forbidden toute apparition d'une lettre majuscule dans nos affaires. Fait que j'ai pas le droit, ça a l'air. On est low caps, you know. Voilà. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts si vous nous croisez sur la rue. Donnez-nous de la drogue et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine, les moons. Bonne semaine!